En continuant mon périple à Graceland, je tombe sur l'une des photos les plus étonnantes d'Elvis Presley. On peut le voir serrant la main à un président Nixon souriant, avec en fond un décor de drapeau américain qui laisse penser que le cliché a été pris à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que Presley pouvait bien faire dans le bureau de Nixon ? Je décide de poser la question à celui qui devait tout savoir de cette histoire, son meilleur ami Joe Esposito, qui me donne rendez-vous à deux pas de chez lui, au Golf Club de Las Vegas. C'est une histoire intéressante parce qu'Elvis aimait les policiers, les détectives. Il était très proche de ces gens. Un jour, on dînait à Hollywood avec un célèbre doubleur de dessin animé. À un moment, cet homme montre un badge du Bureau fédéral des narcotiques. Elvis a dit « Mais comment tu l'as eu ?» Et il lui a dit « C'est le président qui me l'a donné. » Elvis a dit « J'en veux un !» Et l'autre a répondu « Laisse tomber, tu ne pourras jamais l'avoir, c'est impossible. » Aussitôt, Elvis décide de trouver n'importe quel moyen pour obtenir ce badge du Bureau fédéral des narcotiques. Il va avec deux de ses hommes à Washington et fait porter une lettre au président des États-Unis, dont voici un résumé. Monsieur le Président, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Elvis Presley et je vous admire beaucoup. Monsieur le Président, je suis capable et je suis prêt à rendre tous les services que je peux pour aider mon pays grâce aux contacts que j'ai avec les gens de tous âges. Je crois que je pourrais me montrer encore plus utile si vous faites de moi une espèce d'agent fédéral. J'ai déjà étudié à fond les abus de la drogue et les techniques de lavage de cerveau des communistes, et par mon métier, je suis placé là où il faut pour pouvoir faire le plus de bien. On vient de me nommer l'un des 10 jeunes américains de l'année prochaine. Ça me plairait bien de vous rencontrer pour vous saluer, si vous n'êtes pas trop occupé. Alors voilà, je serai à l'hôtel Washington, chambre 505, 506, 507, avec deux garçons qui travaillent avec moi. Je vous envoie un résumé de ma vie pour que vous compreniez ma démarche. Respectueusement, Elvis Presley. Et c'est Joe Esposito qui nous raconte la suite de l'histoire. Et puis ils reçoivent un coup de fil. Le président Nixon veut vous voir. Ils y vont. Elvis rencontre Nixon et, à force d'arguments, finit par obtenir ce fameux badge. Quand on rencontrait Elvis, il y avait quelque chose qu'on aimait en lui. Et on aurait fait n'importe quoi pour lui, en bien ou en mal. Ce 21 décembre 1970, Elvis était satisfait de son opération et allait pouvoir ajouter ce badge à sa collection. Il offrit en échange à Nixon un Colt 45 plaqué or, datant de la Seconde Guerre mondiale. Et plus tard, Nixon demanda au King de venir chanter à la Maison-Blanche, comme de nombreux artistes ont eu l'honneur de le faire. Mais le terrible colonel Parker s'interposa et demanda 25 000 $. Nixon répondit que jamais aucun artiste n'avait été payé pour chanter à la Maison-Blanche, ce à quoi le colonel répondit que jamais personne n'avait obtenu Elvis gratuitement. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger for his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. I ain't gonna do you no good at all. Magic Elvis, une série signée Philippe Robin, diffusée pour la toute première fois en 2007 et à retrouver tous les matins sur France Inter.